j'ai le cas, là c'est sérieux. La tête de ma mère, on aime trop kicker, on aime trop bien, on leur montre qu'on sait s'ambiancer sur la tête de ma mère.